On les a appelés les Barracudas, tous ces parachutistes français envoyés d'urgence en Centrafrique pour débarquer l'empereur Bokassa Ier du pouvoir. Nom de code de l'opération, Barracuda. Et depuis 1979, pour les Centrafricains, tous les militaires français qui stationnent dans le pays sont des Barracudas. Avec M. X, nous avons donc évoqué l'histoire de la Centrafrique et cette période mi-loufoque, mi-dramatique de l'Empire. La France, ainsi qu'elle en avait pris l'habitude, est donc intervenue dans cette affaire pour siffler la fin de la partie, comme elle avait déjà auparavant choisi Jean Bedel Bokassa pour occuper le fauteuil présidentiel de la Centrafrique. Car selon mon interlocuteur, dans aucun autre pays africain, la France ne s'est autant impliquée qu'en Centrafrique. Et d'ailleurs, ça va continuer après la chute de Bokassa, à commencer par l'ancien président exilé David Dacko, l'homme que Paris a choisi pour remplacer l'empereur déchu et qui rejoint même son pays dans un des transals qui transportent les paras français. Et aujourd'hui encore, la France intervient dans la politique centrafricaine puisque ce sont des éléments de notre armée qui ont réduit une rébellion dans le nord du pays. Rébellion qui risquait à terme de chasser le président actuel, François Bozizé. Et une intervention opérée sans tambour ni trompette et presque clandestinement, comme d'autres opérations militaires accomplies au Tchad, toujours pour venir au secours des pouvoirs en place au nom des accords souvent secrets passés avec ces pays du temps de Jacques Foccart. Celui-ci, M. X nous l'a révélé l'an passé, détenait même dans son coffre des demandes d'intervention militaire en blanc, signé préalablement par des dirigeants africains. Dans un instant, donc, la suite de cette aventure centrafricaine. À l'occasion de l'opération Barracuda, les militaires français se réinstallent en force à Bangui. Oui, pour contrôler le pays. Oui, surtout pour faire éventuellement échec aux menées libyennes dans le nord du Tchad. Et je crois vous l'avoir dit la semaine dernière, pour la France, la Centrafrique est une sorte de porte-avions qui permet à nos forces de rayonner au-dessus de ce ventre de l'Afrique, si souvent soumis à des tensions et à des déchirements ethniques. Et en même temps, comme dans d'autres pays de la France-Afrique, un officier de notre service de renseignement est placé auprès du président centrafricain. C'est David Dacko, hein ? Oui, mais celui-ci n'a guère d'appétit pour le pouvoir. Et en septembre 1981, il passera la main. C'est ce qu'on appellera un coup d'État par consentement mutuel. Ça, c'est amusant, non ? Mais concrètement, ça se traduit comment ? Dacko, très souvent dépressif, va gentiment s'effacer et passer le relais au nouveau poulain de la France, le général Kolingba. Ouais. Alors, malgré le changement politique à Paris, hein, puisque maintenant c'est la gauche, rien n'a changé. Non, non, en dépit des efforts vertueux du nouveau ministère de la Coopération, Jean-Pierre Cotte... Qui ne tardera pas à être viré. C'est exact. Ouais. Mais à vrai dire, l'Élysée, qui à l'époque avait bien d'autres chats à fouetter, n'est sans doute pas intervenu directement. Non, c'est vraisemblablement cet officier de renseignement placé auprès du président centrafricain qui a joué un rôle. Quoi, de sa propre autorité ? Ah ben ça, écoutez, je n'en sais rien. Mais ses chefs ont certainement été au courant. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Au SDEC, qui va bientôt devenir la DGSE, on a guère de sympathie pour les socialistes français qui viennent d'arriver au pouvoir. On pense même, comme beaucoup d'hommes de droite, que la gauche ne restera pas très longtemps au pouvoir. Par conséquent, les vieux réflexes perdus. Et cet officier alors, qui est-ce ? C'est un personnage assez étonnant, très grand, très mince, le regard toujours caché derrière des lunettes de soleil. Le colonel Jean-Claude Mancion cultive non sans une certaine coquetterie le mystère, son propre mystère. À tel point que même l'orthographe de son nom demeurera longtemps l'objet d'une controverse. Oh, quoi, Mancion avec un T ou avec un S ? Ça n'a d'ailleurs aucune importance, mais c'est pour vous dire... Dites-moi quand même... Bon, un T, allons-y, que ce type ne livrait jamais rien dès qu'il s'agissait de lui. Quoi, son côté couleur muraille. Si vous voulez. Hein. Ouais. Il avait alors l'habitude de dire « Moins on parle de moi, mieux je me porte ». N'empêche que Mancion collectionnera les surnoms. Le proconsul, le marabout blanc, Zorro, le cow-boy ou encore la nounou. C'est curieux, ça. Pas tant que vous le pensez. Mancion s'est vraiment conduit comme la nounou de Kolingba, en veillant sur lui, en le protégeant. Et en exerçant le pouvoir à sa place, si je vous ai bien compris. Souvent, très souvent, oui. Mais sans pour autant manifester une ambition personnelle. Alors quoi, c'est pour servir la France ? C'est probable. Même si la manière néocolonialiste dont il a usé n'était peut-être pas le meilleur moyen d'aider la France et la Centrafrique. Mais passons. Ce qu'il faut noter, en tout cas, c'est que beaucoup de gouvernements français, et surtout les gouvernements de gauche, bien entendu, ont voulu le virer. En vain. Ils ont tous échoué à le chasser de la Centrafrique et il régnera pendant 13 ans à Bangui. Il était intouchable alors, mais pourquoi ? Parce qu'il s'est rendu indispensable et qu'il connaissait mieux la Centrafrique que le président qu'il servait. Mais était-il encore membre des services secrets français ? Ah, je vous ai déjà dit un jour qu'on ne sortait jamais tout à fait de ce monde du renseignement. Même quand on est à la retraite, n'est-ce pas ? Bon, je ne relève pas. Il faut aussi souligner que malgré l'hostilité que lui ont manifestée certains hommes politiques de gauche, c'est un ministre de la Défense socialiste qui l'a promu général et lui a donné la Légion d'honneur. La récompense pour service rendu ? Je constate, c'est tout. Alors un mot peut-être sur la carrière de ce Mention. Jean-Claude Mention, né juste avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'est engagé très jeune et il a été incorporé au sein du 8e RPIMA. Ouais, ça, c'est un régiment hein, où, de parachutistes là, où le service action de nos services secrets recrute ses agents en général. Hein. Alors, il est très vite dans le bain. En effet. Et dès 1961, il fait un premier séjour en Centrafrique au camp de Boire, une importante base militaire française. Il se trouve alors sous les ordres de Bijard. Puis à son retour en France, il est intégré au SDEC sans quitter son régiment. Donc le service action. Hein. Un peu plus tard, il est envoyé en Asie, aux Nouvelles-Hébrides plus précisément. Ah ben c'est le futur Vanuatu, hein, oui, ou tout, je ne sais pas. Oui. Vanuatu, oui, qui deviendra indépendant en 1980. En attendant, il faut rétablir l'ordre dans ce dominion franco-britannique où les populations autochtones viennent de se révolter contre la décision d'attribuer des terres à des sociétés étrangères. Mmh. Mention participe donc à la répression. C'est très vraisemblable. Mmh. Mais l'officier n'en parlera jamais. Et ceux qui le connaissent un tant soit peu affirment qu'il était très amer lorsqu'il est revenu. Quoi qu'il en soit, c'est là-bas qu'il conquiert ses grades sans passer par les traditionnelles écoles de guerre. Mmh. On mérite donc. Mmh. Et quand revient-il en Centrafrique hein ? En 1980, presque un an jour pour jour après l'opération Barracuda. Colonel du SDEC, il remplace alors un autre officier qui dirige la garde présidentielle. Et comme lui, il est chargé de protéger le président centrafricain David Dacko. C'est ça, oui. Mmh. Mais, question essentielle, est-ce que le président est menacé ? Barracuda a laissé des traces et le pays est au bord de la guerre civile. Il faut donc un homme à poigne pour diriger le pays et éviter le chaos. Mmh. Alors, ça c'est un rôle fait sur mesure pour Mention. Et c'est Mention, conscient que le faible Dacko ne parviendra jamais à rétablir l'ordre, qui va préparer sa succession en douceur. Ah ouais, là, c'est ce coup d'État là par consentement mutuel. Oui, et dès le départ et l'installation à la présidence du général Kolinga, Mention va avoir fort à faire. Mmh, que se passe-t-il là ? Un complot a été ourdi par deux hommes dont nous allons reparler. Ange Patassé et François Bozizé. Mention parvient à déjouer cette tentative de prise de pouvoir et décide aussitôt de renforcer la garde présidentielle. Il en fera une unité de 800 hommes ethniquement homogènes et entraînés par une trentaine d'instructeurs français, détachés d'un régiment de parachutistes. Mmh. Donc tout cela se fait avec l'accord de Paris. Absolument. Il est par ailleurs intéressant de remarquer que l'Élysée joue alors peut-être un double jeu. Expliquez, là. Jean-Bédel Bokassa se trouve alors en résidence surveillée en Côte d'Ivoire, où la France l'a confié au président Houphouët-Boigny. Confié. Mais ses amis et lui-même se démènent. Pourquoi, là ? Pour obtenir son retour au pouvoir ? C'est ça. Sollicité sur la position de la France à cet égard, le président Mitterrand aurait alors dit « Nous ne ferons pas de barracuda de gauche. Même si le peuple centrafricain réclame le retour de l'empereur déchu, la France ne s'y opposera pas. » Ce n'était pas un encouragement, mais ça y ressemblait quand même un peu. Hein. Enfin, notez bien que j'ai utilisé à dessein le conditionnel. À la vérité, la réponse de Mitterrand, si elle est authentique, équivalait surtout à se débarrasser du gêneur. Car dans le même temps, je vous le rappelle, l'armée française concourait à faire de la garde présidentielle centrafricaine une unité efficace, destinée à faire face à un éventuel coup de force. Mais enfin, passons. Ce qui compte, c'est que le colonel Mention va bientôt devenir un personnage tout puissant en Centrafrique. Et pas seulement dans le domaine de la sécurité. Où ailleurs ? Bientôt, le colonel français, qui, entre parenthèses, arbore un uniforme centrafricain, va se mêler de tout et même d'économie. Mais il est vrai que sa tâche primordiale, c'est la protection du pouvoir. Il veille donc sur l'opposition, pourchasse certains de ses membres, même quand ils ont quitté la Centrafrique. Ce sera par exemple le cas de François Bozizé. L'actuel président. Hein. Bozizé qui sera kidnappé à l'étranger et personnellement interrogé par Mention. Mmh, interrogé, torturé. Des rumeurs ont couru sur l'utilisation de la torture, mais à mon avis, Mention était trop intelligent pour se livrer à ce genre d'exaction. Sa seule personnalité, son inquiétante réputation lui suffisaient pour obtenir les renseignements qu'il désirait. Spécialiste de l'Afrique, Géraldine Fess brosse ainsi le portrait du mystérieux colonel Mention, qu'elle appelle le vice-roi de Bangui. Manipulateur hors pair, Mention divise l'opposition naissante en achetant les faibles et en expulsant les irréductibles. Redoutable rhéteur, il arrive aussi tout simplement qu'un opposant rentré dans son bureau pour l'insulter ressorte l'esprit embrumé de doutes. Professionnel du renseignement, il sait désamorcer les complots et étouffer dans l'œuf, sans effusion de sang, les manifestations. Policier en charge de la sécurité aéroportuaire, il a doté le minuscule aéroport de Bangui d'un système informatisé de contrôle des arrivées et des départs plus perfectionné que celui de certaines capitales européennes. Adversaire acharné de la Banque mondiale, il fustige ses experts qui se moquent des retombées sur la population de leurs belles théories. Chasseur de trafiquants d'ivoire ou de diamants, il n'hésite pas à s'attaquer à des proches de Kolingba, impliqués dans des affaires de contrebande. Lui-même ne sera jamais, en 12 ans, éclaboussé par la moindre affaire de corruption. Si les faucons du président le haïssent, les coopérants n'apprécient pas davantage, et il leur rend bien, celui qu'ils surnomment Clint Eastwood, parce que sa présence confine les ambassadeurs de France qui se succèdent en Centrafrique dans un rôle de potiche, et surtout parce que ses méthodes de cow-boy, écoute téléphonique, surveillance policière, inquiètent. À Bangui, il n'a que peu d'amis. On le dit partout, mais on ne le voit jamais. Ce texte a été publié en 1993 dans Jeune Afrique. Alors, me direz-vous, comment l'action du colonel Mention doit-elle être jugée ? Ouais, le bilan, quoi. Le bilan, oui. Il faut d'abord mettre à son crédit le fait que la Centrafrique a pu vivre une décennie dans un calme relatif et sans connaître de coup d'État. Et ça, elle le doit à Mention. Oui, il faut le reconnaître. Ensuite, il a mené une guerre sans pitié contre tous les trafiquants qui essayaient de piller le pays. Ses diamants, son ivoire. D'accord, mais il y avait quand même son autoritarisme et puis des méthodes franchement dictatoriales. C'est vrai. Un jour, face à des étudiants en grève, il a dit à peu près ceci. Je représente le président, et si vous l'ignorez, en Centrafrique, il y a le président, et derrière lui, il y a moi. Et derrière moi, il y a le mur. Si vous bougez une oreille, je vous materai. Très rassurant. Je vous le concède. Mais en même temps, ce parfait représentant du néocolonialisme à la française disposait d'un atout formidable. Étranger à la Centrafrique, il échappait ainsi à ce mal qui ronge l'Afrique, le tribalisme. Mais vous aussi, à votre manière, vous faites du néocolonialisme. Le fait tribal n'est pas toujours négatif, non ? Et puis, ce ne sont pas les Africains qui ont dessiné les frontières. Je le reconnais. Mais admettez aussi que ce nationalisme tribal est une perpétuelle source de querelles et de conflits armés. Même si les colons ont souvent exacerbé ces rivalités ethniques et donc créé des hostilités qui n'existaient pas. Ce n'est donc pas si simple. La fin du proconsulat de Mention, en 1993, n'était pas très tranquille. D'abord, il mène une vraie petite guerre avec le nouvel ambassadeur français qui vient d'être nommé à Bangui. Les deux hommes se détestent. C'est d'autant plus intéressant que le nouveau venu est lui aussi un ancien de la piscine. Un agent de la DGS. Oui, ouais. Mais promu diplomate, il ne supporte pas d'être supplanté par Mention. Mais cependant, alors, d'après ce que j'ai compris, les autres ambassadeurs, eux, s'en étaient accommodés. Hein. Bien obligé. Mais celui-là a eu une très haute idée de sa fonction. Et ça fait rapidement des étincelles. Et puis, il y a autre chose dessus. Quoi alors ? À Paris, on commence à en avoir assez du président Kolingba. Rappelez-vous, lors du sommet franco-africain de la Baule qui s'est tenu en 1990, Mitterrand a enjoint les dirigeants de démocratiser leur pays et leurs pratiques politiques. Ouais, sans grand succès d'ailleurs. Il n'empêche que le mot d'ordre a été lancé. Et Kolingba, parmi beaucoup d'autres, fait tâche. Il gouverne de façon dictatoriale depuis 1981. Certes, en 1986, un référendum a prorogé son mandat de 6 ans, mais le vote a été truqué. Grâce à Mention. Évidemment. Mm. Donc à Paris, on commence à penser très sérieusement au remplacement de Kolingba. Oui, mais il y a sa nounou, là. Que voulez-vous, à force, on s'attache. Mais Kolingba aggrave son cas en se refusant obstinément à se présenter devant les électeurs. Par conséquent, on va agir dans le dos de Mention. Et c'est sa propre boutique qui lui fait ce sale coup. La DGS ? Oui, avec la complicité de l'ambassadeur. Mention, qui arrive au bout de son contrat, est d'abord remplacé à la tête de la garde présidentielle. À l'initiative de Paris ? Oui, oui, c'est un colonel de la Légion qui est envoyé à Bangui. Un officier missionné par la DGSE. Le clou de la manipulation, c'est une mutinerie de la garde présidentielle au printemps 93. Les bérets rouges encerclent la résidence présidentielle et prennent donc Kolinga en otage. Alors la mention ne peut rien faire parce que il ne commande plus. Ah, il est ulcéré. Ces hommes, c'est lui qui les a formés. Ouais. Alors que demandent ces mutins-là ? Des élections. Et pour vous, il est évident que cette mutinerie a été fomentée par Paris. Et c'est aussi ce que pense Mention, qui, dégoûté et malade, rentre en France avant même la fin de son contrat. Seule satisfaction, son ennemi, l'ambassadeur, est rappelé précipitamment à Paris. Alors, match nul, hein. et juste pour satisfaire ma curiosité, que devient le colonel Mention ? Il a rejoint quelques bons amis parisiens, des gens très proches de Pasqua. Marcani ? Par exemple. Ouais. Il jouera un rôle dans une affaire dont nous avons parlé très récemment, la négociation de la capture de Carlos au Soudan. N'oubliez pas que l'une des clauses du marché était la possibilité pour les forces soudanaises d'entrer en Centrafrique pour prendre à revers les rebelles sudistes de John Garang. Et comme Mention, malgré son départ, avait gardé de précieux contacts dans le pays. Il a donc facilité la négociation. Oui, c'est ce que je pense. Ouais. Alors, bon, oublions ça, revenons à l'évolution de la Centrafrique. Juste un mot sur Mention avant de poursuivre. Ouais, ouais, ouais. En 96-97, quand le pays connaîtra de sérieux troubles, certains Centrafricains se mettront à parler d'un éventuel retour du colonel Mention. Rêve ou cauchemar ? Vous jugez. En septembre 93, les élections si longtemps promises et si longtemps différées par Kolingba ont enfin lieu. Le président sortant affronte un ancien premier ministre de Bokassa, Ange Félix Patassé, et celui-ci gagne au deuxième tour. Un mot là sur ce nouveau personnage ? Pas tout à fait nouveau quand même. Je vous rappelle qu'il avait déjà fait partie d'une conspiration contre Kolingba par le passé. Ce politicien s'est surtout signalé par ses positions très anti-françaises, en particulier lorsque Bokassa avait commencé à flirter avec la Libye. Mais, miracle, dès que Patassé accède au pouvoir, il fait patte de velours. Avec la France ? Oui. Il chante les louanges de la coopération avec l'ancien colonisateur et déclare même, je n'invente rien, qu'il est gaulliste de naissance. Je pense. Oui, il en fait un peu trop. Hein. Enfin, alors qu'attend-il de notre pays ? De l'argent, bien sûr, comme tous les autres. Il y a l'économie, quoi. Et qui, bien sûr, va d'abord bénéficier aux copains. Enfin, je veux dire à l'ethnie du nouveau président. Car aussitôt promu, Patassé entame une politique ethnique. Cet homme du Nord, donc des savanes, épure et renvoie chez eux les gens du fleuve. C'est par exemple le cas extrêmement sensible des forces de sécurité et d'une bonne partie de l'armée. Les membres de la garde présidentielle, appartenant à l'ethnie de Kolingba, sont ainsi fermement invités à retourner chez eux. Et ça va provoquer des mécontentements. Et il faut voir dans ces décisions discriminatoires l'origine des graves mutineries en 1996. Alors ça commence quand, là, ces mutineries ? En avril 1996. Aux problèmes ethniques que je viens de citer s'ajoutent alors des difficultés plus vitales. Les Centrafricains ont faim. Les soldats, par exemple, ne sont plus payés. Certains retards de soldes remontent à 1992 ou 1993. Alors ces militaires se révoltent et affrontent la garde présidentielle les armes à la main. Il y a des morts, forcément. Et le président Patassé, désemparé, en appelle à Paris. La France répond ? Oui, les barracudas reviennent. Certains quittent simplement les deux camps où ils sont stationnés en permanence, Bangui et Boire, et les derniers arrivent du Tchad et du Gabon. Mais il s'agit d'une intervention militaire française à propos d'un conflit purement intérieur. Il importe peu. Il existe, vous le savez bien, ces accords secrets que nous avons déjà évoqués. Et puis il y a toujours ce prétexte qui sert à tous les coups, la protection de nos ressortissants. C'est parfois vrai quand même. Sans doute. Mais la plupart du temps, cet argument est utilisé pour camoufler une opération qui n'a en réalité rien d'humanitaire. En tout cas, les barracudas, par leur seule présence, concourent à en finir avec la mutinerie. Les rebelles sont pardonnés et Paris paie les soldes en retard. C'est dire. Mais vous l'avez compris, le prix que le gouvernement français attache à notre présence en Centrafrique. Et au contrôle que nous y exerçons. C'est tout à fait juste. Mais les mutins sont tout juste rentrés dans leur caserne qu'ils en ressortent presque aussitôt. Deuxième mutinerie. Et alors les motivations là ? Il y a d'abord eu un incident avec des militaires français venus récupérer des civils pris en otage. Puis rapidement la situation s'envenime. Les mutins, qui sont plusieurs centaines, occupent la radio, encerclent le palais présidentiel et commencent à piller Bangui, C'est alors qu'à l'Élysée, on se décide à intervenir. Jacques Chirac, donc. Et l'engagement militaire est massif. C'est clair, il faut sauver le soldat Patassé. À l'occasion de l'élection de Patassé, en 1993, la journaliste du Monde, Marie-Pierre Subtil, écrit le papier suivant sous un titre évocateur, « Le retour d'un démagogue ». Si son discours a changé, M. Patassé n'en a pas pour autant gagné la confiance des chancelleries occidentales qui, elles, n'ont pas oublié ses turpitudes. Après la prise du pouvoir par les militaires en septembre 1981, il avait multiplié les gestes d'ouverture, mais un peu plus tard, il est mêlé à la tentative de coup d'État du général Bozizé. L'échec du putsch le conduira à trouver refuge dans les locaux de l'ambassade de France et il obtiendra l'asile politique, non pas à Paris, mais à Lomé. Un long exil l'attend pendant lequel il se consacre aux affaires. Plus d'une société européenne fait l'amère expérience de ses talents d'associé, tandis que son parti ne reste pas inactif. Le numéro 2 du MLPC, Hugues Daubozandi, président du bureau politique du parti, entretient les structures de la formation et tend son implantation. Patassé récoltera les fruits de cet activisme dès son retour à Bangui, où il est accueilli triomphalement 10 ans après son départ, le 16 octobre 1992. Il a l'ambition du pouvoir et la passion des affaires, et il n'a ni parole ni scrupule, juge sévèrement un diplomate occidental. Reste donc à M. Patassé à démontrer qu'il n'est pas celui que l'on croit. Les soldats français, les nouveaux barracudas, hein. Qu'on appelle désormais pudiquement les EFAO, c'est-à-dire les éléments français d'assistance opérationnelle. Ah oui, c'est plus propre. Ouais. Ils sont alors au nombre de 2300, lorsqu'ils sont chargés de sauver la garde présidentielle en difficulté et de mettre fin au pillage de la capitale. Ils disposent aussi d'une vingtaine de blindés légers et ils peuvent toujours avoir recours au soutien des Mirages et des hélicoptères prépositionnés en Centrafrique ou au Tchad voisin. Ouais. Alors dans ces conditions, les rebelles ne font pas le poids. Ah, bien entendu, ils devront s'incliner assez rapidement. Mais les combats de rue ont fait de nombreuses victimes, une quarantaine selon l'armée française et les autorités, beaucoup plus selon les émeutiers. Quoi qu'il en soit, sans cette intervention militaire, le régime Patassé aurait été très certainement emporté comme fétu de paille. Alors je reviens à la question que je vous ai posée précédemment. Là. Mm-hmm. Pourquoi un tel engagement de la France ? Officiellement, il s'agit de défendre la démocratie puisque Patassé a été légalement élu. Un argument qui ne tient pas très longtemps. 6 mois plus tôt, le président nigérien a été renversé. Lui aussi avait été élu légalement. Or la France n'a pas bougé d'un pouce. Alors, la protection due à nos expatriés ? Oui, pourquoi pas. Mais il y a surtout 2 autres arguments qui l'emportent. L'uranium, d'abord. Certes, son exploitation est difficile et chère, mais la rareté de ce métal a imposé une réouverture des mines. Et puis nos centrales nucléaires en ont absolument besoin. Et puis il y a encore et toujours la position stratégique de la Centrafrique, entourée, et ça ne va pas s'arranger, de pays troublés, ou en proie à des rébellions très actives. Elle permet à nos troupes ou à notre aviation des interventions très rapides. On va bientôt le voir au Tchad. Enfin, il faut garder à l'esprit que la France, c'est en tout cas ce que pense Jacques Chirac, ne peut pas se permettre de décevoir les pays africains avec lesquels ont été signés des accords de défense. Des pays qui nous accordent aussi, généralement, leur vote à l'ONU. Hein. C'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Ah, ouais. Mais bientôt, cette conception très France-Afrique hein, va être bousculée au cours de la deuxième cohabitation qui s'annonce. Au printemps 1997, ouais. Oui. Auparavant, je dois vous dire qu'on assiste à une troisième mutinerie en Centrafrique, et toujours au cours de cette année 96. Alors de quoi s'agit-il cette fois-ci ? Après la deuxième émeute, la France a imposé un premier ministre à son protégé Patassé, un intellectuel, un certain Goupande. Et elle a aussi accordé une aide exceptionnelle à Centrafrique. Mais ça, c'est plus traditionnel. Et pendant quelque temps, Patassé se tient tranquille. Mais bientôt, dès l'automne, il vire son premier ministre et retourne à ses vieux démons, c'est-à-dire qu'il attise à nouveau les conflits ethniques. En même temps, tout comme autrefois Bokassa, il retrouve son assurance et même son arrogance vis-à-vis de la France. Quoi, de nouvelles demandes d'aide, quoi. Ah, naturellement. Autre grave erreur. Pour assurer sa sécurité, il fait venir du sud tchadien des types qu'on appelle les Kodos. Redoutables et redoutés, ces Kodos perpétueront de nombreuses exactions et même plus tard de véritables massacres en juin 1997. Et cette troisième mutinerie, donc ? Elle éclate en novembre. Les mutins du mois de mai, qui n'avaient pas été désarmés, mais simplement regroupés dans un camp militaire, retournent dans la rue. Et les militaires français s'interposent à nouveau. Donc, pour la troisième fois en moins d'un an. Et à Paris, franchement, on commence à en avoir assez. D'autant que la situation reste très chaude. Au début janvier 1997, deux soldats français sont assassinés. Il s'ensuit une opération punitive qui va faire une dizaine de morts. Aussi, face à cette instabilité chronique, le gouvernement français imagine d'africaniser la question. Ce qui veut dire, ça ? Associer des pays africains amis à la résolution de la crise centrafricaine. C'est ainsi qu'une force de stabilisation africaine, c'est son nom, se met en place à Bangui, financée par la France, bien entendu. Et alors, c'est le calme ? Ah bah pas du tout. Les accrochages avec les mutins se multiplient. À tel point qu'excédés, les responsables de cette force intermédiaire décident de répliquer énergiquement et balaient les rebelles au prix de 100 ou 200 morts. Puis c'est une force onusienne qui prendra le relais dès 1998. Auparavant, il y a eu un complet bouleversement dans l'attitude de la France. Oui, à cause de l'arrivée au pouvoir de Lionel Jospin. Oui, le gouvernement socialiste annonce un changement total de cap dans nos rapports avec la France-Afrique. Ni ingérence, dit Jospin, ni indifférence. Et le ministre de la Défense, Alain Richard, se rend en Centrafrique pour annoncer à Patassé la prochaine fermeture de nos bases militaires. Alors, réaction du président centrafricain Ah, il est furieux. Ne serait-ce que parce que la présence des Barracudas injecte dans l'économie du pays un vrai pactole. Mais rien n'y fait. En février 1999, le dernier soldat français quitte la Centrafrique à l'exception de 250 hommes qui y demeurent sous l'uniforme de l'ONU. Ouais, des Barracudas déguisés. Exactement ce que se disent les Centrafricains. La suite est très chaotique, ne serait-ce que parce que le pays est livré à lui-même. Alors on assiste à des tentatives de putsch et même à des interventions étrangères, comme celle des troupes d'un dirigeant rebelle congolais, Jean-Pierre Bemba. Et puis il y a toujours ces mercenaires tchadiens, les Kondos, alliés de Patassé, qui sèment la terreur sur leur passage. Ce sont donc les populations civiles qui sont les premières victimes de ces troubles. Comme d'habitude. Enfin, en 2003, l'ancien patron des forces centrafricaines, François Bozizé, qui a déjà essayé en vain de renverser Patassé, profite d'un voyage à l'étranger de ce dernier pour s'emparer du pouvoir. Classique, ça. En effet. Ce qui est plus intéressant, c'est que Bozizé a bénéficié d'une aide militaire tchadienne et qu'il a obtenu le feu vert de Paris, où désormais Chirac, réélu, a les mains libres. Paris qui revient dans le jeu, donc. Essentiellement parce que la France craint que la Libye ne pointe à nouveau son nez en Centrafrique. Mais toujours dans l'intention de prendre le Tchad en tenaille. Exactement. Hein. Et 4 jours à peine après ce putsch, les Barracudas reviennent en Centrafrique. Alors, une nouvelle fois, c'est la France qui a fait le nouveau président centrafricain. Parfaitement. Et notez-le bien, cette nouvelle ingérence française passe quasiment inaperçue. Car au même moment, George Bush envahit l'Irak. Il faut ajouter que pour sauver les apparences, des éléments militaires tchadiens, congolais et gabonais ont débarqué en même temps que les Français. Le problème, c'est que cette intervention de nos troupes n'a rien réglé. Et que la France se trouve maintenant empêtrée dans une situation qui devient de plus en plus compliquée. Expliquez-moi, là. Il faut bien soutenir Bozizé, que nous avons aidé à conquérir le pouvoir, au moins en encourageant les forces tchadiennes à lui donner un coup de main. Mais le nouveau régime est perpétuellement menacé par 2 forces rebelles installées au nord du pays. Et l'une d'elles est en partie composé d'éléments douteux que le président Bozizé a rassemblés lors de sa marche vers Bangui. Des mercenaires, donc. Et autant de soudards qui, estimant ne pas avoir été récompensés à la mesure de leur aide, se paient sur l'habitant et combattent à l'occasion les troupes restées fidèles à Bozizé. Des troupes qui, elles aussi, n'hésitent pas à s'en prendre à la population civile et commettent les pires exactions. Une population qui se trouve alors prise entre 2 feux et doit souvent fuir dans la brousse. Et les forces françaises, alors ? Elles sont parfois obligées d'intervenir, et en force. Un seul exemple, qui est longtemps resté secret. En mars 2007, et pour la première fois depuis l'opération de Kolwezi au Zaïre, des parachutistes français ont été largués au-dessus d'un pays africain. Effectivement, on en a à peine parlé. Hein. Et surtout, l'état-major a minimisé l'importance de cette opération. Je vous explique. Nous entretenons alors, depuis la fin de 2006, une petite garnison d'une 20aine d'hommes à Birao, une bourgade située dans le nord-est à 5 jours de route de Bangui, tout près du Darfour. Début mars 2007, Des rebelles attaquent l'armée centrafricaine et, par voie de conséquence, la garnison française. Les gars sont encerclés et appellent à l'aide. Ah oui, légitime défense. C'est en effet ce qu'a affirmé ensuite l'état-major. Un mirage est d'abord engagé et détruit quelques véhicules ennemis, puis des dizaines de parachutistes français sont largués. Les rebelles s'enfuient en laissant de nombreux morts sur le terrain. La ville de Brirao, qui avait bien failli tomber, est reprise. Mmh. L'armée française est donc bien engagée dans cette guerre. Elle sera, il faut le rappeler, elle sera bientôt épaulée, en principe, par une force européenne déployée dans le nord-ouest du pays. Ouais, une guerre oubliée qui, selon les organisations internationales, a déjà provoqué la mort de centaines de civils, la fuite de plus de 200 000 personnes, et où plus de 10 000 maisons ont été brûlées, dans le plus grand silence. Un mot pour terminer. J'ai trouvé ce texte dans un numéro de la revue Survie, l'organisation créée par Feu, François Verschave, l'homme qui a remis au goût du jour le néologisme France-Afrique et qui n'a cessé de mettre en cause la politique de la France en Afrique. À écouter donc avec l'esprit critique propre aux auditeurs de Rendez-vous avec X. De là à penser que cet engagement militaire ne sert qu'à défendre un régime criminel et à sauvegarder des intérêts purement français, il n'y a qu'un tout petit pas. D'autant que François Bozizet n'a nullement la volonté politique de régler pacifiquement la crise en instaurant un dialogue. Protégé par les mirages et les para-français, l'ancien chef rebelle s'obstine dans la logique de guerre en achetant des armes en Chine et en Afrique du Sud. Des cargaisons d'armes et munitions lui sont fournies en échange de diamants et d'uranium. Les réseaux français branchés sur la Centrafrique s'enrichissent au passage. C'est l'ancien directeur du SCTIP, Service de coopération technique internationale de police, Jacques Delebois, qui conseille Bozizet en matière de sécurité et de renseignement. On croise également à Bangui l'ancien chef de la milice lepéniste, Bernard Courcelles. L'ancien policier Delebois, pour ceux qui l'auraient oublié, est l'homme du vrai faux passeport fourni par Pasqua à Yves Charlier, le collaborateur du ministre Christian Nucci.